Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve Madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-selles de bas quartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que Madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que Madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar.